andak ne dañ doon wax ne dañuy droit de l'homme droit des nangam mais bi sen intérêt taxawé lolou dañ koy faté leg nak tamit am rew yo xamantene buñu topone logique bi rek moy attaquer nañ len bu yag duma nañ len wala yu mel non waye sengam droit ay dafa sen intérêt dafa taxaw légi nak yoyu dañ nan woy bon vous savez on n'a pas de assez d'intérêt baba pour amuñu intérêt pour def manam pour dem attaquer yoyu manam lolu nak lañu mel aussi ci ak nit ñi non lañ mel ni ak nit ñi de manière générale lo tax julit bi mom limi samontel dafa wara parce que mom mo am tiaxa té dañ ni borom tiaxa du xex ak borom batu nen ah ndax mom mo am lu muy ah xam nga tiaxa koli voilà chaîne ni koli bo amé koli bo xamanténi or la ki jama koli ah koli wa koli voilà koli mëni yu faaso voilà voilà koli voilà tiaxa légui tay suma ko amé madam bi xex ak ko xamanténi mom batu len la yor ni mom day dag sama boss kon man ma am ay valeur yu may défendre ak yu may sam man ma wara fexé ba duma dugënté ko xamanténé daf mako yakal c'est pas parce que tamit par exemple way dama intégré dama nangam keuni damay def bu gaay yi dem nañu ci sangara may and ak ñom même buma dul nan c'est pas parce que damay wone ni dama sociable keuni sama voisin bi nga xamantene homosexuel la grawul sama doomi dañuy dem keureu ma ko delu ci manam hein dede dañu war di am ben distance bobu non fofu nak mu am ben masala bu am solo moy andando ki nga xamne mom moy kacior bi comme liñ doon wax kérok moy borom al-akhdar moy imam al-akhdar rahmalahu bi mi wax nan du dagan julli bi mu and ak kacior ah wala ya juzu wala wala ya juzu alayhi sahbata fasiqin wala mujalasatuhu okay illa li darurin shar'iyyi du dagan muy and ak kacior wala bok muy jotayo ak mom wa legi question bi len la su fekke kacior bi mais julit la lañu téré nga and ak mom ngay jotayo ak mom lan ngay xalat ci ki nga xamne mom yéfer la mune lulul ci loru sharia mais lool dafa am ay tekantal manam dafa am detail c'est à dire que wax di kenn du ko jël dans sa globalité nonu rek nga bëgg ko appliquer lool soko defé di nga djuma wala ci erreur lay dëkk wax di dafa am tekantal manam dafa am detail bu ñëkk bi mom moy nit ki nga xamantene am nga yaakaar ci mom né parce que kacior ay façon lañ tay par exemple kacior moy lan kacior moy ko xamantene dafa am luñu tuddé manam ak fisk ak kacior gu nekk ci mom moy képp ko xamantene da fay def bakkar bu mak kuy def bakkar bu mak wala bok muy wëy ci bakkar bu ndaw wëy manam moy muy pet mu nekk perpétuellement ci bakkar bu ndaw mais ci alam go xamantene nit ñi dañ koy gis parce que su fekkete na anam la go xamantene day laqatu batay nekkul katcho parce que ci la ñuy mëna cédé ci mom ne ki nangam la légui lool mom moy lan bakkar bu mak moy lan ay ray nit bokalé ray nit dialo njabar han satchu ce sera ñooñu non par exemple ku ñu gis mu koy def han dañuy xamné ki kat islam amul do manam yalla amul do la ci xol motax mu koy def ba rusu ko sax def nit ñi gis ko wala bok nit ñi xamé ko ci mom kokoy katchor wala bok muy wey ci bakkar bu ndaw moy lan moy lepp lo xamantene bakkar xeyna bu ndaw la ni han mais mu koy def defin go xamné day wone ni ki manam l'islam mom joxul importance bu reuy l'islam lolu tax ñu boole ci kuy def bakkar bu kuy wey ci bakkar bu ndaw alors que bakkar yu mag yi mom ben yon da ci doy pour ñu saxal ak katchoram mais bakkar bu mag bakkar yu ndaw yi il faut que mu wuy ci comme tay par exemple goor go xamantene mom wala jigen go xamantene par exemple day jox loxo goor ñi ni lolu xamnañ ni bokul ci bakkar yu mag yi manam xetu ndialo la mais du ndialo bu mag ndialo gu ndaw la mais le fait que mu koy répéter moy wané ni ki yalla amul doole ci xol bi manam moy wané ni dafa doye dal até yalla yi parce que tay su def ko def ben yone su condition manam num la occasionnel la wala yoy mais le fait que mu koy def lu bari moy wané ni ki mom até yalla amul manam mom joxuko ben valeur ci xol bi koku nak boba mom lool koku duñ ko tuddé katchor yang deug moy pervers voilà deug legui mais lool la non deug legui la da mom bu gëna ko bi deug la kon mom ah lolu lu mata baye xel la legui nak kon katchor manam dafa harama andak mom dafa haram ngeen bok fi ngeen di tok jotay parce que da yak sa jikko yow tamit legui nak cause bobu nak manam cause bobu non mom cause bobu nak moy tax al comme qaida mi gisone sank al hukmu han yaduru ma allati haythu dara manam atte day weur lo andak la koy tax taxam lan sayu fu atte bi meuna weur jëm cause bobu manam moy ne comme que li ni bañ bo xolé lol li tax ñu waral ko moy dañuy bañ mu yaq sa jikko yow am effet ci yow ñaaral bi liñ ci bañ mom moy nga diko jox manam aw fit wala luy waral muy bëgg di continuer di manam muy nekk ci gogu di ci continuer parce que buy and ak yow da day melni kon affaire bi garawul manam boy and ak mom et le fait que nit ñepp gaday ko kenn du nango tok ak mom du nango and ak mom ci société day xat day dem ba xat mom ci bopam day daal man na bayyi li may def finalement legui cause bobu nak mom lañuy samontel ci bëpp cas de figure kon cas de figure yi nak legui dafa bari bu jëk bi mom moy mu nekk nit ko xamantene su nit ñi dé and ak mom buy and ak nit ñu bax ak ñoñu da nan ah man nak rouss na def nangam manam mom pression lay doon ci mom tax muy ku muy bayyi limu nekké ci lu bon dank ba kéro mu ci genn koku day haram yow nga takaliko mom au contraire manam bu boba duñ né rek katchor la dafa haram nga and ak mom ni dédét dañ nan katchor la bo xamanteni da nga war bi and ak mom pour genné ku ci limu né boba da yow daal di daal haram nga bayyi ni gëna war ko xamanteni tay dang ko parce que soko baye koku lan lay def soko baye day dang koy enfoncer ci bir lu bonne amna tamit ko xamantene tamit koku tamit do ko baye nonu do len ko baye day indi and ak mom diko jappale moy ku mel nan moy ko xamantene soko baye ci lamu nek manam yow and gi mi and ak yow motax muy am yu muy rus di am yu muy baye ak di baña te yow mo yow dula wañi danaka dara yo and gi nga manam so len andé yu bon yoy du ko def manam yow so len nekou rek la koy def ce qui veut dire que yow doko meussa gis mu def ko moma yi ngui koy def yeb moy day fekk nekou nit kokou nonou ba pare da ngay tek pression ci mom kokou nak day dadi war ngay nek ak mom du takko ak mom parce que lutax parce que so ko baye mu dem nga bolé ko ak ay moromi katchoram da nan finalement mo fa wayo ki way ni xawna ma fatte way ni do no sauf quoi hein mu am tamit ko xamantene kok yow soy and ak mom day dakoy réconforter day japp ne ma le fait que man ma ngi and ak pourtant ñom ki te pourtant li lay def xamna ko ci man nangam lool dakoy réconforter ci lu bon limu nekké koku day raade haram nga and ak mom koku kaadu fi biir la bu tax nga haram nga and ak mom et cetera manam kon kaadu fi biir yep dañ koy xol solo lan solo maslaha bi manam solo lan mo upp njariñ ci yow ak ci mom ci yow ak ci mom yow tamit mi and ak mom bu fekkentene yow bo and ak mom amulo ben influence ci mom do and ak mom parce que mom ci bopam moy am après influence yow boudé amo ben influence ci mom mom do and ak mom parce que boy and ak mom mom am influence yow parce que nit la bu dañu influencer yalla non la bindé nit ni waxuma la nit mais animal rek boy and ak mom légui nga mu influencer la yow waaw animal bo and ak ñom dañ lay influencer ci gisso motax même d'ailleurs bo xolé né xolal ni and ak yaronte bi sallalahu alayhi wasallam lim doon wax ni ñi gëna noy xol ñi moy ñi nga xamantene dañuy sam gatti moy ay xarbay ñoon ñuy gëna noy xol parce que dañ leen influencer influence bi animo yi le fait que ñuy nekk ak animo yoy nga xamne dañoo noy xol dañoo ki motax par exemple mune ñi gëna wow xol ti ëpp ti gëna reuy manam bari orgueil moy ñi nga xamantene ñom ñoy sam gilleen yi ñom tout temps dañu parce que lan animo yi ñoo lan influencer seen jikko yoy ñu wax voilà lolo tax sa mbokk yi di choraté rek wala nek ñuy gor lan motax pul di goré rek hein mais wa non mais yu galé ñom du def lool voilà mais non mais c'est à dire que lool la même bo xolé subhanallah ñi nga xamné ñoo dëkk ci tefess yi moy marché lebu geek même ñom marché yeek yoy da ngay gis da no gëna tank manam ñom da no am du ak nakari dara go xamne da ko anda ak mëna saga ak mëna gaaw duuré waaw go xamantene nekkul ci ñu nekk ci biir te dekk ñu ci wetu geej gi ñom le fait que ñu dënd ak milieu bi nga xamantene milieu jeun bi la nga xamne fofu ku ko upp sa morom mom lay da ngay koy réré fofu non la mel ku upp sa morom doole rek réré ko voilà milieu bi dafa lié ñam ñi ngay xamantene ñom ñoy andak par exemple so xolé nit ñi nga xamantene souvent dañuy faral di yor ay xajj ni dañuy andak xajj sax dañuy dem ba ñom seen wop seen jikko yi day sobe wu hein waaw ko foxe fo xamne mom mi ngi nek ak mbam ko xii xajj yi yoy day dem ba momit non lay mel manam kon lolu moy sagam nit ak nit rek moy am manam nit animo yi nga xamne yow ya len donté ñoñu ñom lay am effet ci yow waxuma la nit ha ah nakoro ki wayu al ghazali bobu inna al qarina bil qara'in yaqtadi amna nango tambalé ha ha moy ñaar ñu lekkolo moy ñuy and fop ñuy royanté même buñ ko yogul dañuy am effet kenn ko do am effet ci morom du l'intérêt fop nak la intérêt wu sharia di def lepp nit ñi di and di defal no mbiri ci mbolo ci la ubbe buntu masalan defal jakka yi pour nit ñi di dem di julli ñuy tassé et cetera parce que hein principe bobu la moy ne kenn ku ci nek dafa am lu muy wal sa morom et cetera donc kon taarudu aslu wal ha wa zahir taarudu al aslu wa zahir moy d'ailleurs moy masala principale hadith moy lan aslu al aslu fil ashayi at tahara moy tosan ci mbir yi moy lap kon mbir mu nek en principe dafa lap mais al zahir moy lan moy li feñ moy li nga xamne mo not moy li dominant li upp ci li xew ndap li bi nga xamantene ndap li ci ciossane dafa lap motax borom xoxo bi rahmatullah alayhi comme niñ ko waxa sax dal imam ibn dakk khulayd rahmatullah daf ne borom xoxo rahmatullah bo xole gise ñu wute ci masala ndabal ulul kitab bi sip giñ ko sip wala ñak ko sip yépp ci ta'aradul asl wa zahir rek ci masala bobu la bo xole tamit ay mbir yu bare bare bare sharia yu bare bare moy lool moy leg leg ciossanu mbir day am mbir day am ciossan ni lo xamantene mom moy li gëna feñ al asl moy lan tay bu mo boma gisé al asl moy ciossat mo am luñu wax az-zahir moy li gëna dominant moy tay man soma gisé ma bu comme par exemple ndox ni bu teul ndox ciossal bi moy lat na mais suma ko gisé ab yéfer par exemple yor ndox bi ma gis ko té mom ndoxam mi manam ma gis ko mom mu tak té mu lèr mané sangara la tak man dama am ci damay xalat né ndox mom ndox mi comme du moy tuddi ko sobé ak ndox mi damay ragal né duggal na ci lanam loxom wala yu mel non kon lol moy zahir bi bu boba li ëpp doole rek bu fekké né ciossam mo ëpp doole mom lañu notal bu lañu bu zahir bi ëppé doole mom lañu notal manam cadre figure nak fofu lay amé manam ay cadre figure yu bare bare la ci usul ni ci ay cadre figure manam ci amna yuñ ci jëfë gis du ñak tamit am yu bari yo xamanteni dinañ ko gissat inshallah mais moy tay par exemple suma gisé nit tamit di dawal auto hein damay japp né auto bi moko mom lool moy li feñ tay mo gisé ñaar nit dugg ci auto kenn ki diko dawal ki ci dess nek ci wedd bi ki koy dawal lay japp ni moko mom ah lool ndax lan ndax loolo feñ and ak mën na nek ne keneen ak mom mais lool duma ko jël def ko ciossat mais dama koy def lu feñ ngay dem motax legui nak su fekkante ne ci sama cadre figure suñu cadre figure hadith bi buma jappé ni ah comme ciossat moy ndap li latna te buma ci gisul sofé rek baxna mën na ko jëfëndiko ngay dem légi na su fekké né dama gis né ndab li dafa am comme wa ahlul kitab yi ñom ñiko yor surtout ko ñom duñu moytu diko sobe yi bu boba duma ko jëfëndiko loolul buma amé benen ba paré bal mu ko jëfëndiko il faut ma raxs ko aussi ngay dé kon ndax ka ndax li feñ moy le né ndax li feñ la uppal la jox priorité ah niki nonu tay yéré comme liñ doon wax ci yéré bi bu la ab yéfer joxé ab yéré ciossane bi bok xolé moy gissou ci sobe kon baxna latna mais le fait que mu jugé ci yéfer bo xamné mom duy moyta ndiko sobe moy né amana sobe ngi ci kon li feñ lol moy li dominant moy probabilité bi ëpp moy voilà moy probabilité bi ëpp moy né sobe amna ci kon ko to ma raxas ko bala mu ko solat pour julli ci nit ñi lolou suma féké nit ko xamantene tay par exemple comme liñ ko wax sank ab receleur la day satch bi faral di satch di jaay wala muy njuj jak wala famuy ligéy mu fay jël ay matériel diko jaay ma xam ko ci mom buma gisé muy jaay dara li gëna li note moy lan li ciossan moy ni muy jaay kan moko mom parce que kuy jaay dara parce que lolé ciossan suma démé ci marché fék nit kuy jaay dara duma fi nek di laccé nan foko jël parce que ci ciossan moy moko mom amna droit jaay ko légui nak mais kon man waji dama ko xam mom receleur la mom damay xam ni lan la da ko fat lol moy probabilité bi gëpp doole moy avah maintenant nak légui nak il faut que ma jouer ta'aradul asl wa zahir xol parfois ban mo ëpp doole lég lég nak za asl bi moy ëpp doole lég lég zahir bi moy ëpp doole mais lol il faut que makoy baye xel diko notal amna ci qawaid yi benn ki bu ci seigne samba posé wo ben question bama joxone ko ci ay yenen exemple dama ko faté mais ci cadre figure lool la bimu don laat lan mo waral kon li atti sanga am ay atti yo xamne yu ci ëpp fofu la delu won ci taaru do as wa zahir mais comme que téwluñu ko ni mom voilà kon xamna inshallah ñu wa lool dal moy jeexatal hadisi mais nak hadisi yi tamit buñ ko xolé dinañ gis ne manam surtout hadis bu mujju bi dinañ gis manam mu'jiza bu mak bo xamanteni mu'jiza yenente bi la sallalahu alayhi wasallam ndax yenente bi sallalahu alayhi wasallam mom manam borom yi mu'jizat la fal mu'jizat lahu ta'datuha abathun mi'sharu li'sharu lam yudrak wa lam yusami manam comme le sir hadj malik wax radiyallahu anhu bim nan mu'jiza yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dano bari diko jema lim koku am pola manam koku folo gëna nuru ndax mën tane ndax 10e moy 5e santiemu miracle yenenbi sallalahu alayhi wasallam def kenn xam manam munefuko japp munefuko lim kon mais bi ben la ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom lañu mom la def ci ci hadith bi kon inshallah taala fofu lañu teje tamit manam sharh hadith bi alhamdullilah niko nonu fofu manam benen yone yo yaay def résumé ñaari hadith inshallah légui mu def suñu ben hadith ci suñu buntu inshallah taala voilà kon alhamdullilah fi batin wa fi khatamin wallahu taala a'lam sallallahu alayhi wa sallam dafa am lo bu gëna laté wa après ñu gëna inshallah mu nga da nga ne wa ahlul kitab lepp lo xamni ni ñoom manam ray nañ ko ci yoonu yalla ñun julit mu nañ ko lek may la ci de man bu mu jëlon par exemple tay ma dem ci boucher café ci juif yi mu jënd ci mu jënd fofu yapp est ce que man dina ko mën lek waaw lolu amna ben man ci tosan en principe lolu mo wara am manam en principe bu ma démé ci boucher café bi la ma fay jënd lolu da wara mëna dagal sauf que bo xolé manam légui juif yi ni ñi rendé en tout cas dama mësna dégg kuy wax né mësna dégg ku koy wax dal né déssé na ma lér nak que ni manam wuti na lol ak manam top dëgg seen principe yi nga xam tane ñom mom lañu daan rendé ci kaw lolou nak bu boba su fekkete ne information bobu dafa vérifié wu bu boba lek seen boucher cachère bu boba dootul daganat monam mom ak jëndé Carrefour ak kay ci dess ñoyam voilà légui nak su fekkete nak effectivement top lañ seen rituel yi nañ ko daan défé ba légui bu boba mom dana dagan lek voilà parce que dañ ci tuddu hein mais légui na sa mo jamono jé moy voilà au moment ba paré dafa am benen vir bu ci am moy am nga loy meuna jende bu julit ni te nga jend bu julit ni même économiquement nga jappale say moko julit mo upp doola ngay dem di jend ji yefi wallahu ta'ala defal ko sa bokk man ñu dal ko jow la scrabble je déchire pour ça quoi hein échec scrabble ak yu mel non ñaar xet ñoo ci am moy je échec ye déchec ye scrabble ye et cetera ñaar xet ñoo ci am bu ñëkk bi moy bi nga xamantene day ñëwal am xel business nak moy nga xamantene mom am ki rek la fo la rek mok fo ñom dam yi ñom wuur yi ñom ñoyam wa ak monopole gi yoy mom fo la yoy mom dañu daal dugg ci cadre fo bi nga xamne da fay haram mais am yi nga xamantene ak am yi nga xamantene ñom jeu le bo xamantene day ñewal am xel bu boba wala comme scrabble bon maintenant nak mu dess ne mu baña nek tamit duggu ci cadre bo xamantene dang koy def manam passe temps comme parce que voilà voilà voilà mo ngox voilà bu indi ay adawat ak baxda manam mbir xam nga mbir non dafa am ben affaire bu am solo moy mbir mën na dagan ci ciossane mais kharam ngir benen cause bu ko genn voilà mën na dagan ci ciossane mais kharam ngir benen cause bu ko genn ala kulli halin yo xamanteni lepp en tout cas yoy yep sax moy tandik ko parce que amna yeneeni jeu yo xamanteni wala yeneeni xéti mbir yo xamné ño gëna dakk ñawal xel dakk mëna ki ëpp doole que di tombé tégal fi ki ma wara jouer ya wara jouer yalla ñu yalla sax wallahu ta'ala سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مقدم